phalanges pour les poucaves. Puisqu'il faut que je raconte ma vie sans faire le mesquine. D'où je parle, la guerre frappe fort quand l'amour m'esquive. Parce qu'ici seul le ciel est changeant. Chaque jour la lune remplace le soleil, mais le sommeil a mis une tangente. Le corbeau chante et mon chien blasé se fait la belle. Si le meilleur ami de l'homme se taille quand bien meilleur l'appel. C'est juste un nouveau printemps de plus cela. Les bourgeons sortent comme les frères de Toll et elles sont des plus solages. Parce que plus ça va, plus le flux se lâche. Plus l'obus se rapproche et plus tu peux voir la croxitane sur le fuselage. Puisqu'il faut vivre entre rails et terrien. Là où tout se pisse, ton cœur tard à tout terrain. Le reste ne vaudra rien. Attends, je te l'admets, vu comme ça la vie c'est pas terrible. Mais l'état nous la met, ça que de poney dans nos cul de bactéries. Parce qu'on apprend à nager dans la merde. Toulouse où même les mauvaises graines germent à 200 bornes de la mer. Garçon, pas de frontières pour la Césaire. Ne me dis plus que ceux qui s'en sortent sont rares comme un glaçon dans le désert. Puisqu'il nous faut coller nos noms et prénoms en lettres d'or. Puisque personne ne me reconnaît, j'irai voler quand d'autres dorment. J'suis en plein marathon, j'cavale après le tas d'oseille. J'ai vraiment pas le temps, j'aurais des remords si j'avais pas osé. J'm'étais juré 2007, c'est mon année. Non, pèse pas une salope avec un 2007, c'est mon ami. Puisqu'il faut respirer, j'ai quitté les cramés. Dans un canapé à 20h, à regarder ma putain de télégramme. Et puisque le monde porte du gros calibre, on comptera les mecs debout. J'oublie qu'en trempant mon pauvre chibre dans un bec de boule. J'oublierai que des radios nous enferment l'accès. J'ai fait rappel que pour mon frère, j'accepte sur le bon moi. J'accepte chaque moment. J'arrive deux fois dans le mois. J'accepte que les larmes montent. Un rat plus dans la soute. Qui gratte à la porte du rap et finit bourré sur la soule. Je suis sur le bon moi là. Accepte ma bombe voilà. J'suis pas sur la feuille de match coach. Alors prends moi là. J'éjacule dans la soupe. J'suis venu plier le rap français. J'espère pour lui qu'elle est souple. C'est partout et que le vigile est de plus en plus costaud. Laisse, oui c'est facile, nous on quitte la boîte pour l'hosto. C'est tout ce qui se passera quand le ras-le-bol sera général. Rien ne servira de lever les bras, juste apprécier les balles. Puisqu'elle juge à la dégaine, fait la paix avec ses potes. J'démocrate pour ses chiennes quand la tête vide sur les épaules. On sait tous que t'aimes juste quand ça crache. Des bandes qui prend des coups de gueule comme une mouche sur le cul d'une vache. Puisqu'à là où je te parle, puisqu'à tu me demandes de taffer pour le split. Et c'est les mêmes fils de pute, puisqu'à j'irai contre les bourgeois de base. Peut-il en dire autant que vaut le prix de ma carcasse. Contre sa maison pivotante, j'accepte le sort qu'on me réserve. Ce qui veut pas dire que je collerai mon front sur ton arme serve. J'ai sûrement pas ta classe, ni ton niveau d'études. Mais j'ai côtoyé la crasse, y compris que les plus faibles ont les dues. Puisqu'il faut vivre avec le poids de nos absents. Dans chaque mot une pensée, pour nos morts et la tristesse dans l'accent. Je me fous que cette vie n'ait pas de sens, qui va rembourser. On n'est pas à l'abri d'un tas de sang, arrête pas voir les enfants pousser. Chaque jour, c'est la roulette russe, de balles dans le barrière. Y'a pas le choix, y'a toujours la chance qu'il faut parier. Moi je mise tout à pli, la vie à tout douce, ma vie. Tout le monde dans la bouche, mais elle vient juste se poser sur le bout de ma pine. Tu crois que je rappe là, non je pèse à chaque fois que je pose le max, mes 5 blocs sentent la chatte. Ça t'embête, c'est la même, cette tempête c'est la mienne. Je suis un découpeur de prod comme tu couperais tes lamelles. Puisque je suis loin de l'or, je me contenterai de l'air. Une feuille pour contenir mes douleurs, tout en maintenant le seuil d'alerte. J'ai la patate à nouveau-né, l'avenir t'a condamné à tort. J'avais la rime qui avoinait, c'est que le monde aurait adoré. J'ai rêvé sur le bon moi, j'accepte chaque moment. J'arrive deux fois dans le mois, j'accepte que les larmes montent. Un rat plus dans la soupe. À la porte du rap et fini bourré sur de la soule. Hey, j'suis sur le bon voilà. Accepte ma bombe voilà. J'suis pas sur la feuille de match coach. Alors prends-moi là. J'éjacule dans la soupe. J'suis venu publier le rap français. J'espère pour lui qu'elle est soupe. Hey, j'ai rêvé sur le bon moi. J'accepte chaque moment. J'en arrive deux fois dans le mois. J'accepte que les larmes montent. Un rat plus dans la soupe. Gratte à la porte du rap et fini bourré sur de la soule. Hey, j'suis sur le bon voilà. Accepte ma bombe voilà. J'suis pas sur la feuille de match coach. Alors prends-moi là. J'éjacule dans la soupe. J'suis venu plier le rap français. J'espère pour lui qu'elle est soupe. Barbarossa, D-O-X-Y-N. On monte sur le rap comme si c'était une grosse chienne. Ouais, ouais. Micro 7 Acrofal 4S10-2007. Tout brûlé. Tout brûlé. Dans mon bras sur ma salle.